Bonjour Michael Edwards. Bonjour. C'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine sur le merveilleux et l'émerveillement, puisque vous avez consacré un livre à cette notion d'émerveillement qui était paru aux éditions Fayard en 2008, et dans lequel vous montrez que l'émerveillement est bien plus qu'une émotion enfantine et passagère, mais que c'est un vrai rapport au monde, une manière d'être au monde, et qu'il y a peut-être plusieurs façons d'y réfléchir, et l'une d'entre elles, et je vous propose de commencer avec celle-là, c'est peut-être de distinguer l'émerveillement de ce qu'on appelle en anglais ce qui est « wonderful ». La notion de « wonderful », il y a cette idée du questionnement, de la surprise, qu'on n'entend pas dans l'émerveillement en tant que tel. Non, effectivement, ce ne sont pas les Anglais, mais le génie de la langue anglaise qui semble avoir voulu étager l'essence de wonder. Wunder, c'est un mot évidemment d'origine germanique, pour que l'on puisse en même temps dire qu'on s'émerveille de quelque chose de merveilleux et qu'on se demande s'il va pleuvoir, ce qu'on va mettre comme manteau, etc. Autrement dit, en anglais, dans l'idée même de s'émerveiller au niveau le plus élevé du terme, comme chez Longin, par exemple, il y a aussi une question qu'on se pose. On pose la question, mais que signifie cet émerveillement? Pourquoi m'émerveille-je? Étant donné que tout était imprévu, tout d'un coup, je me trouve devant un phénomène où je vois du nouveau dans l'ancien, je vois le possible dans le déjà donné, et je me demande pourquoi cela est. Et il est vrai, c'est vous qui l'avez dit, je n'aurais pas fait ce compliment à la langue anglaise moi-même, mais il est vrai qu'en anglais, « wonder » vous donne toute la gamme des réactions possibles, y compris ce questionnement. Et dans la notion même de merveilleux, on a cette idée, certes de questionnement, mais également de commencement. Le merveilleux, c'est ce que je disais au début, on peut l'entendre comme étant un étonnement encore plus intense, un étonnement qui serait porté au superlatif, hein, et qui permettrait de mettre en question l'inconnu. C'est cette espèce de réaction que l'on peut avoir face à quelque chose que l'on ne connaît pas, et dont beaucoup de philosophes, y compris Aristote notamment, fait le début, Aristote et Platon, fait le début de la connaissance. C'est d'abord parce qu'on s'étonne devant ce qu'on ne connaît pas que nous vient l'envie de pallier cette absence de connaissance et donc d'acquérir un savoir qui va nous permettre de transformer l'inconnu en connu. Oui, mais je traduirais Platon par « émerveillement ». C'est le fait de s'émerveiller. Tosarman Zen, qui est le commencement de la philosophie pour Platon, et je le traduirai par émerveillement, précisément parce que dans d'autres dialogues de Platon, on voit que Socrate s'émerveille profondément. Alors que dans le tête-à-tête où arrive cette expression célèbre, le commencement de la philosophie, c'est le s'émerveiller, tête-à-tête ne s'émerveille pas de façon profonde. Il dit en fait « je vertige », non pas comme les adolescents le disent, mais « je suis dans le vertige parce que je ne comprends pas ». Mais au-delà de ce vertige, il y a un vrai émerveillement. Alors que chez Aristote, je dirais plutôt l'étonnement. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, il dit qu'au début on s'étonne, on ne comprend pas le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et c'est cet étonnement qui vous pousse à réfléchir. Mais tout de suite après, il dit explicitement que lorsqu'on commence à comprendre, on ne s'étonne plus, on n'a plus besoin de s'étonner. Alors que pour Platon, on s'étonne de plus en plus, on s'émerveille de plus en plus quand on avance dans la connaissance. L'émerveillement vous attend à la fin comme au début.